Ce vendredi, à la vie en BD, le quatrième tome de la bande à Smikey, un regard sur les adaptations, les passages, les transfuges du roman à la bande dessinée, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et cette semaine, un regard tout particulier sur une série jeunesse qui roule sa bosse depuis déjà quelques temps. Quatrième tome de la bande à Smikey. Une série dont on n'avait pas saisi l'occasion de vous parler, et on a choisi de la saisir aujourd'hui. Alors, la scénariste Makina sera avec nous dans quelques instants pour échanger un brin autour de la sortie du quatrième tome, Le Seigneur du Mal. Également de passage en fin d'émission, Michel Giguère viendra nous parler de ses transfuges BD de la prose à la case, en route vers la prochaine rencontre de ses rendez-vous de la BD, mercredi prochain. Et également, Marco Duchesne sera avec nous en cours de route pour parler de quelques bandes dessinées qu'il a eu le plaisir de lire ces dernières semaines. Sinon, dans l'actualité, quelques enjeux qui se poursuivent, notamment des nouvelles d'Angoulême. Le groupe BD du Syndicat national de l'édition, du Syndicat des éditeurs alternatifs et du Syndicat national des auteurs et compositeurs vont être reçus par le ministère de la Culture pour évoquer la refonte radicale du festival, une refonte qui est réclamée par ses acteurs et d'autres. D'ailleurs, on en a parlé au fil des dernières semaines. Ce sera intéressant, évidemment, de voir qu'est-ce qui ressortira de cette rencontre. Et une autre voix s'est jointe à ces gens, celle du cofondateur du festival qui se dit en colère, qui le dit vertement d'ailleurs, donc Mardikian, qui a fait une sortie, qui dit comprendre la révolte des éditeurs, le mécontentement des auteurs, désigne les responsables actuels qu'il qualifie d'inefficaces, leur demande carrément de démissionner. Alors, décidément, la tempête autour du festival d'Angoulême se poursuit. Dans d'autres registres de thématiques, plusieurs lancements qui ont eu lieu ces dernières semaines. J'avais envie de vous les mentionner au passage, notamment le Lombard qui lançait une nouvelle collection de bandes dessinées didactiques autour des sciences humaines, associant un dessinateur, un spécialiste, une série qui va viser les lecteurs à partir de 16 ans. Donc les quatre premiers albums ont été présentés d'ailleurs à la Foire du Livre de Bruxelles, notamment un album qu'on a vu circuler un peu sur les médias sociaux, L'Univers, collaboration d'Hubert Reeves et Daniel Cassana. Les autres albums, c'était l'intelligence artificielle avec Jean-Noël Lafargue et Marion Montaigne, les requins, Bernard Serret et Julien Solé, et enfin le droit d'auteur en mai, Emmanuel Pierra, Fabrice Snow, le hasard, également le cinéma New Hollywood, le tatouage, l'artiste contemporain, le féminisme, l'histoire de la prostitution, le minimaliste, alors une nouvelle collection et sept premiers thèmes qui ont été lancés et qui viendront au fil des mois, évidemment. Autre éditeur qui a lancé une nouvelle collection, c'est Casterman qui a lancé une collection qui s'appelle Sociorama, des auteurs de bandes dessinées qui adaptent en fiction des enquêtes sociologiques sur le terrain. Alors, on est vraiment dans l'utilisation, si on peut dire, comme dans l'autre collection, comme dans d'autres médiums, de plus en plus de la BD pour son pouvoir didactique, son pouvoir documentaire, son pouvoir de reportage. C'est intéressant de voir vraiment cette axe prendre de plus en plus d'espace. C'est quelque chose que je trouve extrêmement stimulant. Alors, premier titre de Sociorama, c'est Elisa Mendel qui a dessiné une enquête de Mathieu Trackman qui raconte les dessous de notre société en bande dessinée. Et dans ce cas-ci, je crois que c'est sur la jungle, d'ailleurs, un chouette blog qui a été lancé. Bref, donc, nouvelle collection de ce côté. Casterman a également lancé une nouvelle revue de bande dessinée qui s'appelle Pandora, qui, elle, se destine à publier des récits courts des meilleurs auteurs contemporains. Donc, Casterman qui a l'ambition d'explorer des formes nouvelles, nous dit-on, en bande dessinée. Le lancement du premier tome, lui, est prévu pour le 13 avril prochain. On parle de Bastien Vivès, Alfred, Bjram, Götting, Matotti, J.C. Menu, Kilofer, Jean-Louis Tripp, Loustal, Otomo, Spiegelman et d'autres pour ce magazine qui reprendra peut-être un peu la formule de papier, là, du papier de Lewis Trondheim et Yannick Lejeune jadis. Et enfin, dernier lancement qui est arrivé il y a quelques temps, début janvier en fait, mais je voulais l'approcher à vos oreilles si vous l'aviez échappé. Groom, lancé par Dupuis, un magazine consacré à l'actualité pour les enfants et les adolescents. On décrypte en BD l'actualité à leur attention, format de 96 pages. Le premier numéro était une rétrospective de 2015. Alors voilà pour ces divers clins d'œil. En musique, cette semaine, on écoute Two Robo Dads et on écoute un premier extrait immédiatement. Écoute de la vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre également sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. J'en profite également pour vous mentionner que nos invités dans quelques instants sera de passage à Promenade Beauport le 5 mars à partir de 14h pour des dédicaces côté du Renaud Bré. Je le mentionne au passage. Et justement, une série d'albums dont on avait envie de vous parler. Quatrième tome qui est arrivé tout récemment. Alors, il s'agit de la bande à Smikey. Le tome 4 s'appelle Le Seigneur du Mal. C'est aux éditions Petit Homme. Et pour en jaser avec nous, on est en compagnie de la scénariste Makina. Bonjour. Bonjour. Alors, j'avais envie peut-être de remonter à la genèse de cette série. Ça fait déjà quand même quelques albums qu'on observe autour de cet univers-là. Et je crois que c'est un univers pour vous et pour Fregg, le dessinateur, qui remonte à autour de 2011, voire même un peu avant dans le cas de Fregg. En fait, dans le cas de Fregg, ça remonte même à, je dirais, fin des années 90, 99 à peu près, quand il était au cégep. C'est là qu'il a créé Smikey pour un cours d'illustration professionnelle. Et en fait, il avait pas le droit de le faire. C'était un travail, dans les travaux d'illustration professionnelle, la BD s'était boudée. Il avait pas le droit, il s'était fait avertir par l'enseignant. En fait, tous les élèves s'étaient fait avertir, vous faites pas ça, sinon on déchire votre travail, c'est fini, on vous corrige pas, c'est zéro. Et lui, il l'a pris, mon frère, c'est quelqu'un d'un peu revendicateur, donc lui, il trouvait ça un peu insultant que la BD, ça soit considéré comme un sous-art. Alors, il l'a fait. En son personnage, Smikey, à l'époque, était un peu plus trash, un high-top, rouge, l'air un peu plus coléré. Et quand il a remis le travail, c'est toujours présenté par présentation orale. Et l'enseignante, quand elle a vu ça, est restée surprise. Un, parce que c'est un élève très studieux, qui avait aucun problème, qui était performant et tout. Donc, il n'a pas respecté la consigne, il était un peu surprise. Et elle lui a permis de le faire en lui faisant promettre qu'il ferait quelque chose dans sa vie avec ça. Et ce fut fait par la suite. Et de votre côté, dans le fond, vous êtes arrivé un peu là en cours de route pour de ce que j'en ai compris, c'est un peu des conseils, de l'accompagnement, puis éventuellement vous avez fait le saut comme scénariste en bonne et due forme. Oui, c'est quand il a ouvert ça, quand il a ressorti en fait les dessins un soir, il faisait de la recherche pour un travail parce qu'il y a une compagnie de graphisme et il y avait un classeur avec plein d'idées qui cache là parce que c'est une machine à idées finalement. Et il a sorti de son classeur le croquis de Smikey et là, il y a eu comme une idée, qu'est-ce qu'il était pour en faire maintenant. Et c'est là que le Smikey fantôme avec tous les personnages de GG, tous les personnages monstrueux qui habitent le cimetière ont été vantés ce soir-là. Il a ouvert la page Facebook Mais étant donné que ça s'en allait sur le web, ben, ils voulaient être sûrs qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe. Et moi, à l'époque, j'étais enseignante. Donc, ils voulaient que je vérifie l'orthographe pour être sûr que c'était correct. Et ils voulaient être sûrs, étant donné aussi que c'était de la D2 humoristique, mais qu'ils n'étaient pas tout seuls à se trouver rigolo. Mm-hmm. Fait qu'ils m'ont dit, vérifie les textes pour être sûr que je suis pas tout seul à me trouver drôle. Puis après ça, c'est parti sur le web. C'est comme ça que moi, je suis embarquée dans l'aventure. Et j'imagine que ça doit être intéressant comme exercice au départ d'arriver comme ça en disant, ben voici un casting, invente des histoires pour mon casting. Ben moi, je trouvais ça très intéressant parce que c'est ça, justement, t'as pas à chercher tout le concept qui, moi, je pense, le gros travail. Donc, moi, je faisais juste me greffer avec un peu un cadre de personnage qui existait déjà, mais que tu peux te laisser aller par l'inspiration aussi. Donc, je trouvais que c'était un défi intéressant. C'est quelque chose qu'on a renouvelé parce que dans à peu près chaque album, étant donné qu'on en sort deux par année, donc un ou six mois, des fois, on tombe un peu en délai d'édition. Et à chaque album, il est arrivé comme une planche qui avait le temps de finir de dessiner, mais que les textes n'étaient pas terminés d'être écrits. Et on revit un peu à chaque fois cette espèce de ben, « je te donne le cadre, tu fais le texte qui va avec, puis on y va au meilleur, on va au meilleur de l'idée ». Et justement, est-ce que une fois que la série, donc qu'elle est marrée sur le web, éventuellement les éditions Petit Homme, donc la filiale jeunesse des éditions de l'Homme, est arrivée avec l'intérêt de l'éditer, est-ce que dès le départ, on savait que ça sonnait pour être une série où on s'est lancé avec un one-shot et le succès, ou du moins la qualité de l'ensemble, a permis ensuite d'aller vers la série? En fait, on s'est lancé tête première. Donc, mon frère a lancé ça un soir en disant « ben, on va voir ce que ça donne ». Et au début, avoir les 25 premières personnes, là, c'était difficile, on appelait les copains, va juste cliquer sur la page, lis-la même pas, c'est pas grave. C'était comme ça qu'ils les appelaient en direct. T'es-tu devant ton ordi? Oui. Mais va cliquer tout de suite. Donc, ça a été très dur, sauf que après avoir eu le premier 50 personnes, ça s'est mis à être exponentiel. Et en quelques mois, en 6 mois, il y a peut-être eu comme 3000 personnes qui se sont abonnées. Et là, ça venait aussi de la France, ça venait aussi d'ailleurs. Donc, après ça, il y a un BDiste qui est rentré en contact avec lui, Sean Sirois, qui avait fait Planète Zouké justement aux éditions Petit Homme et qui avait écrit un message « Ah, ben si tu veux, mes éditeurs recherchent de la BD jeunesse, je pense que j'aime ton produit, tu pourrais peut-être leur présenter », mais on sait jamais quand les gens nous proposent quelque chose, est-ce qu'ils vont vraiment faire cette rencontre-là et tout. Mmh. Et finalement, oui, il nous a vraiment donné les contacts et tout. On a vraiment eu un bon coup de main justement de Sean Sirois pour nous mettre en contact avec les éditions Petit Homme. Et ouais, quand on était les rencontrer, eux ne savaient pas à l'époque, mais nous, on y va et on a, dans le fond, 4 pages de sketchy. Okay. Et là, on se rend en rencontre parce que ben on avait connu des gens que tu es habitué de te faire dire non plusieurs fois et tout. Donc, nous, on s'en va là, mais tu as toujours un espoir, mais en même temps, tu as la réalité qui dit, ben mets pas tes espoirs trop haut non plus, t'as probablement beaucoup de travail à faire encore, ce qui est aussi vrai, là. Et on arrive avec les 4 pages sketchy, on avait présenté justement, le dossier qu'on avait présenté, c'est tout ce qui existait de Smikey. Et là, les éditeurs font « Ah oui, c'est intéressant, nous on serait intéressés à aller de l'avant, donc quand est-ce que vous pourriez avoir fini? » Et là, Fred a un peu pensé vite dans sa tête en disant « Ben vous, vous en avez besoin pour quand? » En espérant très fort qu'ils ne répondent pas la semaine prochaine. Mm-hmm. Et en fait, on avait 4 mois pour le sortir. Donc, un bon sprint pour réussir à produire intégralement comme ça le premier album, les histoires, les dessins, etc. Ça a été l'épreuve du feu, là, littéralement. Ah, ça a été l'épreuve du feu. Et là, elle dit « Est-ce que c'est pas mal prêt? » « Ah oui, oui, il y a juste la couleur à mettre dedans. Il fait que juste 4 pages. » Donc on est parti à la course et on a travaillé fort, mais on a rendu la marchandise, c'est sorti et l'aventure a commencé. Oui, puis en fait, aujourd'hui, je pense que je suis tombé dans une entrevue où vous disiez que vous rencontrez à peu près quoi, 10 000 personnes par année, 10 000 jeunes. Vous êtes présent dans des événements, des festivals et le reste aussi. Donc, veux pas, aux côtés d'autres séries, je pense que c'est venu énergiser un peu la scène de la BD jeunesse au Québec, là. Ben oui, puis nous, étant donné que c'était des petits monstres dysfonctionnels. Donc, les jeunes aiment beaucoup ça, justement, l'univers du monstrueux, mais en même temps, c'était de l'humour, donc ça vient toucher une corde sensible. Et le fait d'aller faire, nous, on était faire beaucoup d'animations scolaires. Là, on dépasse les 200 classes par année qu'on va faire, qu'on va voir, plus les tournées scolaires de salon et tout. Donc oui, je pense que ça vient les rechercher. Et Makina, vous avez mentionné justement, c'est la bande à Smikey, c'est un univers de monstres dysfonctionnels. Et mais on n'est pas du tout non plus dans l'horreur. Donc on joue avec les monstres, avec ce type de personnage là, mais dans un contexte, si on peut dire, dans un contexte narratif qui est autre que celui auquel on pourrait s'attendre au premier abord. Là. Oui, nous c'est vraiment pas l'horreur du tout. C'est mon frère, quand il a créé les personnages, il s'est inspiré de gens qu'il connaissait. Parce qu'il disait, pour être capable de suivre mon personnage et toujours de me creuser l'idée sur comment il va réagir, bien, il s'est inspiré de caractéristiques de gens qu'il connaissait, de la famille ou des amis, pour créer les personnalités de les personnages, mais en les exagérant. Donc, Gégé, c'est un zombie, mais qui est accro à la caféine. Donc, les zombies, eux, ils bouffent pas de la cervelle, ils consomment pas d'êtres humains. Ils consomment du café et quand ils n'ont pas de café, ils dégénèrent. Mais il y a des gens, plein de gens qui se reconnaissent là-dedans, qui vont dire que c'est pas nécessairement le café, ça peut être n'importe quelle autre chose, des fois auquel on a besoin de se rattacher pour se donner un petit boost vers l'avant. Donc, c'est des choses comme ça que les gens se sont reconnus. Il y a un petit vampire qui est en amour avec une troll, qui est une mégère, qui est hystérique, qui est manipulatrice, et lui est amoureux fou. Donc, au niveau de la relation un peu dysfonctionnelle de couple, ben les enfants, ils vont juste trouver ça drôle que le vampire soit amoureux de la troll, puis que la troll, elle soit pas fine, et eux, ils le prennent juste au niveau humoristique, tandis que l'adolescent ou l'adulte qui va arriver en arrière, ben lui va plus voir le côté dysfonctionnel des personnages, puis des fois, ça fait du bien de rigoler un peu de la société. Oui, puis de jouer un peu, dans le fond, avec les stéréotypes du vampire, avec les stéréotypes du fantôme qui, finalement, a peur, et le reste. Donc, on tourne un peu, je dirais pas... enfin, on profite du fait qu'on a des attentes par rapport à un monstre en disant, mais voici, maintenant, on va faire complètement autre chose. Et cette autre chose-là va devenir aussi un moteur de récit, un moteur de scène, un moteur à gag, au bout du compte. Ben en fait, oui, c'est ça. Donc, en créant des personnalités comme ça, puis des fois, ont des réactions qui n'ont pas de sens pour, dans le fond, la nature qu'ils font, parce qu'un vampire, ça devrait être puissant, puis dans le fond, il ramone ses mitaines, il réagit pas. Donc, ça permet de créer des gangs qu'on pourrait pas créer si on avait un autre sorte de personnage. Puis c'est un peu ce qu'on voit aussi quand on va en rencontre scolaire. C'est un peu ce qu'on montre aux enfants de dire, t'as pas besoin de créer un héros qui est parfait pour avoir une trame narrative et avoir un produit intéressant. Tu peux faire un héros qui est parfait et qui est super, mais ça va donner une sorte de BD, alors que tu peux avoir un personnage qui est très imparfait. Ça va juste te créer un autre style littéraire, mais qui peut être aussi intéressant. Oui, puis à la limite, en fait, les imperfections sont beaucoup plus intéressantes, à mon sens, d'un point de vue scénaristique, que le héros parfait, justement. Il y a beaucoup moins de possibilités au bout du compte, là. Ça ouvre un infini de possibilités, justement, parce que si, puis c'est ça qu'on leur montre, si on peut pas tout réussir, si on peut pas finir l'histoire en 2 minutes, si on ne peut pas, si on le souhaite pendant longtemps, ben ça nous permet, ça nous donne du jus pour inventer une histoire qui va durer, justement, pendant longtemps, puis qu'on peut inventer toutes sortes de gags, justement, à cause de cette imperfection-là. Donc, c'est sûr que comme nous, comme scénariste, parce que Frank scénarise aussi, mais c'est hyper intéressant pour amener de l'eau au moulin sur les histoires. Et j'imagine que le défi aussi dans la composition d'un album comme la bande à Smikey, c'est de faire l'équilibre justement entre les gags, entre les punchs qui arrivent régulièrement, mais entre aussi le fil narratif que vous cherchez à développer tout au long de l'album, qui reste présent, qui reste dans l'esprit. Oui, c'est un beau défi. Ça permet en même temps de ne pas faire du gag que pour du gag. Puis c'est correct, il y en a qui le font comme ça, puis moi j'ai beaucoup de respect pour les différentes sortes de styles, donc c'est pas parce qu'on le fait, parce qu'on n'aime pas ce style-là, c'est juste qu'on voulait rajouter un petit plus, mais oui, ça permet de... c'est un beau défi de le rentrer, et après 4 tombes, ben, on se retrouve aussi avec le défi de peut-être pas être rendu exactement où on pensait que les personnages seraient, et ça être laissé un peu prendre aussi par cette histoire qu'on veut créer, dire oups, là, c'est pas là qu'on s'en allait, mais on est rendu, alors on trouve un truc pour continuer là-dedans. Et j'ai l'impression, dans cet axe-là, même les récapitulatifs qui sont présents au début de chaque album permettent aussi de se replanter, OK, où on est, c'est sur quelle base on part, finalement, avec ce nouveau récit-là, avec ce nouveau tome-là? Oui, ça permet toujours de... oui, parce que nous, dans le fond, quand on est rendu à faire le récapitulatif, bien, on se promène entre... qu'est-ce qu'on parle aux gens quand on va à leur rencontre que eux connaissent de l'histoire parce qu'ils sont pas rendus où nous on écrit, nous on est toujours comme en avance sur eux. Donc ça permet toujours aussi de nous situer qu'est-ce qui est dans notre tête à nous, qu'est-ce qui a été choisi pour vrai, qu'est-ce qui est déjà publié que le lecteur connaît. Donc, ça permet de mettre un équilibre entre tout ce qui se passe comme réflexion interne et qu'est-ce qui se passe dans les faits dans le livre. Et tout ça, avec les, j'ai l'impression, les personnages qui sont vraiment au cœur de la bande à Smikey, dans la mesure où, en termes de décor, bon, c'est surtout des couleurs, c'est plus, on pourrait dire, minimaliste, dans la mesure où tout est mis, tout l'accent est mis sur le personnage, sur les yeux. Il y a toujours des grands yeux aussi dans la façon que Fred le dessine. Donc, vous avez accès à une banque de personnages qui sont, somme toute, assez charismatiques, puis les albums qui sont faits pour les mettre en valeur, pour mettre en valeur leurs interactions, d'abord et avant tout, à mon sens. Oui, en fait, le but, c'était vraiment de mettre la base sur le personnage, et de les développer pour que les personnages soient pas comme unidimensionnels, qu'il y ait comme une histoire en arrière, qu'il y ait une personnalité, qu'on sente le personnage, que ça soit pas juste un petit bonhomme qui se promène puis il sait qui lui. Quand on écrit, nous, ça nous aide justement de fait de dire, ben le personnage, il existe tellement maintenant dans notre tête, il y a comme tellement un vécu que ça aide pour la création ensuite d'être capable d'inventer des choses parce que on a développé la personnalité, puis ça aide le lecteur aussi à s'y attacher parce que le personnage a une personnalité, c'est pas juste une image. Oui, puis en même temps, à travers tout ça, vous créez un univers. Le côté absurde vous donne peut-être la liberté de jouer un peu avec les règles, mais en même temps, il faut que vous ayez vos règles aussi pour que le lecteur puisse vous suivre, vous comprendre, etc. Oui, bien maintenant, ça arrive encore plus que. Au début, il y avait un peu moins de règles parce que on se lançait un peu là-dedans. On se lançait dans le vide, donc il fallait sortir quelque chose et il fallait avancer rapidement. Donc, on a inventé des traits de caractère, des choses comme ça. Tandis que maintenant qu'on arrive, comme là, nous, on est déjà en écriture du cinquième tome, ben là, il y a des gags qu'on peut pas faire parce que ce personnage-là, dans le fond, c'est pas vrai qu'il réagirait comme ça. Et là, il y a plus de réflexion derrière de dire non, lui peut pas dire ça, elle peut pas faire ça, on peut pas amener ça tout de suite parce que dans l'autre, on ne l'a pas préparé. Donc, ça amène plus de réflexion maintenant qu'au premier. Oui, puis de voir en même temps de ne pas se répéter non plus, de pas toujours faire la même chose avec un même personnage, de voir, d'explorer tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut vous offrir, d'en rajouter des nouveaux aussi, comme le ninja qui est arrivé en cours de route, etc. Oui, puis c'est surtout de ne pas se répéter. Ouais, c'est vraiment un élément important que vous mentionnez, de ne pas refaire le même gag, mais juste d'avoir changé le lieu. Ça, c'est quelque chose que quand on a des rencontres de scénarisation, étant donné qu'on scénarise à deux, Fred, lui, dès le début, c'était très important pour lui que ça soit des gags différents à chaque fois, que ça ressemble pas. Quand on choisit justement les gags qui vont être à l'intérieur, ben, on essaie que ça ressemble pas à ce qui a déjà été fait, à moins qu'on veuille insister sur un point. On va remettre quelque chose comme pour rappeler au lecteur un élément, mais sinon on s'arrange toujours pour justement que ça soit différent, que ça amène ailleurs, que ça amène un plus, et non pas qu'on ait l'impression de juste relire le même album avec une nouvelle page couverture. Et tout ça à l'intention d'un jeune public tout de même, est-ce que ça vient un peu influencer, j'imagine, surtout au niveau du choix des mots, du choix des termes, du choix de la manière de dire les choses? En fait, nous, quand on le fait, on a été surpris par le public dans le sens où quand Fred a créé ça, lui, il s'est créé comme de la bande dessinée qu'il aurait aimé avoir quand il était jeune. Donc, lui, ce qu'il visait, c'était les jeunes garçons 8-12 ans. Et quand les albums sont sortis et que là, il y a eu autant de filles que de garçons et qu'on a eu les adolescents, qu'on a eu les adultes aussi qui sont venus comme à la rencontre de Smikey, ben là, ça nous a surpris un peu parce que ben, une surprise heureuse, on s'entend, c'est un peu ce que tout le monde souhaite, qu'il y ait un plus large public. Mais quand on l'a fait, on faisait attention aux mots, mais pas nécessairement dans le but que ça soit du jeunesse, dans le but plus d'offrir un produit de qualité. Donc on a toujours, c'est sûr, fait attention, on savait que c'était pas de l'horreur, donc on faisait attention au contenu justement pour que ça soit accessible à tous. Mais au niveau du vocabulaire et tout, on s'est jamais penché sur l'idée que c'était pour les enfants. On s'est toujours penché sur l'idée que fallait que ça soit bien écrit parce que le lecteur devait avoir un produit de qualité. C'était plus ça dans notre tête. Oui, puis j'imagine le bagage enseignante donne aussi un petit coup de pouce de ce côté-là. Ça donne un petit coup de pouce de ce côté-là, c'est sûr. Ça donne un gros coup de pouce quand c'est le fait d'aller faire monter des animations scolaires. Ça l'a aidé, c'est sûr, beaucoup aussi. Et Fred avait été animateur aussi en maison de jeunes, donc tout ce bagage-là c'est sûr, aide tout le temps. Et aide aussi au niveau des idées, parce que comme vécu comme enseignante et comme vécu comme animateur de maison de jeunes, ben, il y a beaucoup de péripéties qui est de traits de personnalité qui permet aussi d'enrichir les personnages. Et là, justement, on l'a mentionné, le tome 4 qui est sorti tout récemment. Vous êtes au rythme de 2 tomes par année, donc j'imagine que de votre côté, vous êtes en plein dans le tome 5 côté préparation, voire déjà sur le tome 6. On est dans le tome 5 dans la préparation, on est dans le tome 6 dans notre tête, et on essaie de de pas trop faire sortir le tome 6 de notre tête pour bien bien continuer de rester dans le tome 5. Mais c'est sûr que plus on y va, plus qu'on fait comme « Ah oui, on pourrait faire ça. Ah non, pas tout de suite. OK, on va le faire dans celle-là. OK, mais pas tout de suite. OK, mais on va le faire dans le 7. » Et là, l'histoire grossit de partout et les personnages grossissent de partout. Donc, c'est sûr que nous, dans notre tête, on est 6, 7, 8, mais qu'il faut bien, bien, bien rester centré pour rester dans le 5 parce qu'on n'est pas rendu au 6, 7, 8. Et on aura sûrement l'occasion de s'en parler en cours de route. Makina, merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Voilà, donc j'ai échangé avec Makina qui, aux côtés du dessinateur Fregg, qui agit également un peu comme scénariste, nous propose la bande à Smikey. Je vous rappelle le tome 4, Le Seigneur du Mal, qui a été publié tout récemment. C'est du côté des éditions Petit Homme. Voilà, toujours avec cette trame sonore de My Two Robodads tirée de leur album Oh Talkful. Ici sur les ondes du 89.1, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 et on poursuit avec ses regards sur la bande dessinée avant de se lancer vers les commentaires de Marco Duchesne, vers les réflexions de Michel Giguère. Petit regard sur un album que j'avais envie de vous partager. En fait, je continue à descendre tranquillement mes piles, comme on dit, comme je vous dis en fait de temps à autre. Alors, Pico Bug, le tome 8, l'original, en fait, une série que j'avais découvert dans mes premières années, je pense, ici, à la vie en BD. 3 tomes qui est arrivé quand même assez rapidement. Une série qui, décidément, en fait, les auteurs sont très, très proactifs autour de cet univers, décidément. Là, je pense que ça déboule les albums. Donc, la question, quand ça déboule à cette vitesse-là, évidemment, c'est de savoir, est-ce que les nouveaux albums sont à l'égal des derniers? Est-ce qu'on réussit à renouveler l'ambiance tout en gardant l'esprit des premiers tomes? Alors, pour ce qui est du tome 8, eh ben on y va peut-être avec un peu 2 axes dominants. Donc, d'un côté, préparation d'une fête de l'école. De l'autre côté, donc réflexion, évidemment, sur la maladie, sur le fait de garder le moral, si on peut dire, à travers le fait d'être alité. Donc, 8e tome, un parent ou presque. Et à travers celui-là, ben on reste dans l'esprit de cet univers-là, peut-être avec Pico qui philosophe de plus en plus, surtout dans la section justement où il tombe malade à cause d'un problème de digestion, d'un virus qui le cloue au lit, donc il disserte sur la vie, sur la mort. Alors c'est peut-être en fait, de par cet a priori-là, un album dans lequel les personnages de Dominique Rock et Alexis Dormal sont un brin moins... disons dynamique, moins actif, puisque ben, le sujet proposé amène justement au manque de mouvement. Donc ça reste quand même évidemment sympathique, ça reste dans la veine des autres. C'est pas nécessairement le meilleur des 8, mais ça reste doux, ça reste pétillant, ça reste amusant, ça reste léger, avec toujours un beau dessin à l'aquarelle d'Alexis Dormal. Alors, des tableaux qui ont leur petit côté bucolique, qui viennent se succéder, dans lequel le travail de bonification des rapports autour des personnages et derniers albums continue de se faire sentir. Donc, ça reste une série très sympathique. Moi, dans les premiers tomes, je trouvais que c'était un peu dans la veine du petit Nicolas à certains égards. Je maintiens encore ma position avec celui-là. C'est un côté quand même beaucoup plus philosophique, où on profite justement de la naïveté de l'enfance pour faire passer des propos philosophiques, un peu à la Mafalda aussi, à certains égards. Avec un humour bien à eux, si on peut dire. Donc, un huitième tome qui est certes fort honnête, pas nécessairement le meilleur de la série, mais ça reste une série que je trouve sympathique. Alors, c'est chez Dargaud, donc série qui s'appelle Pico Bug d'Alexis Dormal et de Dominique Rock. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ensemble des émissions sont disponibles en balado-diffusion, lavieenbd.wordpress.com. Je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur mon blog, voir.ca/Raymond-Poirier. Et on poursuit cette émission maintenant en compagnie de notre libraire en résidence, Marco Duchesne. Bonjour. Hey, salut. Marco, quelques titres sur lesquels on a envie de te lancer cette semaine et tu as envie de te lancer également cette semaine. Je lance un premier, Été diabolique. Ben oui, on est à peine entamé l'année que déjà je pense que j'ai mon album de l'année. C'est cet album donné par Smolderen au scénario et Cléris au dessin. Premier album qui nous avait donné à l'époque un hommage à il y a quelques années à un hommage à un space opéra qui a été écrit dans les années 60. Il nous avait donné les chevaliers de l'Empire de l'Atome, un rétro-science-fiction qu'on appelle. Oui, qui est absolument superbe d'ailleurs, en termes de qualité graphique, là, et la couverture, Cléris, c'était hallucinant. Cléris, son dessin, ligne claire, vintage, rétro, est assez léché, puis on embarque facilement dans ses ambiances. Là, l'été diabolique, écoute, c'est une réussite encore mieux que l'autre. Diabolique avec un K. Diabolique est un personnage de la BD italienne, un personnage mythique de la BD italienne. Dans les années 60, ce personnage a été créé, une espèce de James Bond masqué, une espèce de héros espion cambrioleur qui a fait la pluie et le beau temps dans la BD italienne. Alors, Diabolique, cet été diabolique, ça raconte tout simplement l'histoire d'un homme qui nous raconte l'été 1967. Cet été 67 où son père était bien mystérieux. Il vit en campagne dans une petite ville en France et son père, qui est boss d'une usine, a à faire de mystérieux voyages, se fait attaquer par des voisins en colère. Des kidnappings ont lieu, des meurtres ont lieu cet été-là. Alors, ce jeune homme qui a écrit un livre qui s'appelle L'été diabolique, se remémore cet été et essaie de combler les blancs, essaie de résoudre les mystères, essaie de mettre les pièces du puzzle dans le bon sens. Donc, c'est un peu récit d'amnésie, si on peut dire, récit de retour en arrière. Voilà, pour découvrir qui est ce qu'il soupçonne depuis longtemps, c'est-à-dire... Est-ce que son père était diabolique? Et est-ce que dans le fond, parce que c'est un type de récit, un type de narration qu'on voit quand même de temps à autre, est-ce qu'on réussit à dépasser un peu les stéréotypes qu'on associe à ce type de scénario-là? Tu sais quoi? Je pense que c'est pas ça, l'histoire. Okay. L'histoire, c'est vraiment l'homme qui nous raconte cet été-là où il avait 16 ans, là où il a rencontré son premier amour, qui l'a déçu, là où il a rencontré sa première, où il a eu sa première relation sexuelle, une première amitié qui a été trahie, une première expérience avec la drogue. Donc la quête est un peu le prétexte finalement. Je pense que oui. Je pense que tout ça est un prétexte pour nous faire revivre ces années-là, cette année 67-là, où tout était possible quand on avait 15 ans. Et avec le dessin accrocheur de Clérisse, je vous le dis, c'est un magnifique voyage dans le temps, dans l'adolescence. Un voyage vraiment, là, et vous allez adorer. Et c'est le premier coup de cœur de l'année, ou le premier grand coup de cœur de l'année de Marco Duchesne. Voilà. On peut le dire. Oui. Alors, Été diabolique. On passe à un autre titre, Marco, Watertown. Jean-Claude Gotting a été longtemps un de mes préférés en BD quand je suis rentré en librairie il y a de ça presque 30 ans. Gotting avait déjà acquis son style de gros traits, son style un peu crayonneux, son style charbonneux. Il a disparu de la BD, mais pas de l'illustration. Il est le responsable des illustrations des Harry Potter en français chez Gallimard. Okay. Et maintenant, il revient à la BD. Il revient avec Watertown chez Casterman, un polar, mais un polar tout en atmosphère, un polar tranquille, je dirais, un polar serein. Il nous raconte l'histoire d'un petit employé d'une maison d'assurance dans le fin fond d'une petite ville des États-Unis. Un matin, comme d'habitude, comme à son habitude, c'est un vieux garçon avec ses habitudes, il va à la pâtisserie prendre sa pâtisserie du matin et son café. Mais la caissière qui le sert habituellement lui dit « C'est la dernière fois qu'on se voit ». Il reste là-dessus. Le lendemain, la pâtisserie a brûlé. Le propriétaire est retrouvé mort sous les étagères. On conclut au suicide et la caissière a disparu. Okay. Et là, il se met à enquêter. Et là, il va dans la ville d'à côté retrouver des photos d'un album photo avec des photos d'un mariage. Il retrace la fille et soudainement, dans la ville d'à côté, une femme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la caissière de la pâtisserie, il la rencontre, lui dit qu'il ressemble, lui dit que c'est elle, et non. Mais il va continuer à enquêter, à embarquer son frère là-dedans. Donc des jeux sur l'identité, un peu sur la quête de voilà, soi. Voilà, un polar tout en atmosphère, comme je le disais, avec cette voix off. Lui, il nous raconte ça un peu. Oui, c'est un peu la clé du polar. Un peu comme les romans noirs des années 50. C'est la clé du polar. Veux pas, c'est l'atmosphère. Si l'atmosphère colle pas, on n'a pas de polar. Ah oui, mais ça. Là, ça l'est. Il y a rien qui... Il y a pas de fusillade, il y a pas de poursuite. Tout ça est dans une espèce de truc tranquille. C'est un petit employé de bureau, comme toi et moi, si on avait à faire une enquête. Ouais. Ça passerait. Moi, à la fin, j'avais l'impression que si je me mettais à enquêter, ça ferait ça. Alors, c'est vraiment un beau retour pour Jean-Claude Gotting, Watertown, chez Casterman. Et dernier titre pour ce passage à notre émission, Le Courant d'art. Écoute, là, je m'adresse à tous les aventuriers de la BD, tous les lecteurs qui se sentent un peu aventuriers. Le Courant d'art de Bézian aussi, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en BD. Là, on nous arrive avec un album concept, un album accordéon. C'est pas relié, c'est tout en accordéon. Okay. On lit d'un côté et chaque page est une grande image avec un commentaire. Ça fait un peu penser à la structure, en fait, l'album de Rupert Émulot qui était essentiellement un petit carré qu'on dépliait progressivement. Voilà. Là. C'est le même principe. Okay. D'un côté, on a la biographie, on a des instants, pas une biographie, mais des instants de la biographie de Mondrian. Celui qui fait des tableaux avec des formes et des couleurs, là, qui est un de moderne du 19e siècle et qui a créé le Bauhaus, qui est une école d'art, d'architecture allemande au début du 20e siècle. Oui. Et de l'autre côté, on a la biographie de... Écoute, là, j'ai oublié le nom de l'artiste, mais c'est celui qui a mis en graphique les concepts de mathématiques. Ils ont mis avec des carrés, des cercles et tout. Et d'un côté et de l'autre. Et quand on lit d'un côté, on aperçoit des moments de l'autre côté. Donc, on fait communiquer les espaces et les biographies. Je le dis, c'est une aventure si on se risque à embarquer là-dedans. Là, on décode. Il y a à peu près 8 à 10 images, je pense. Mais je l'ai regardé 3 ou 4 fois pour voir les concordances de chacun des côtés. Mondrian relançant les hypothèses du graphisme qui a été fait au 19e siècle par, je me rappelle plus de son nom, zut. Et de l'autre qui voyait l'avenir avec cette méthode de rendre les mathématiques plus picturales, plus graphiques, et voyait bien qu'il allait se passer quelque chose. L'un et l'autre se voient, ou s'entrevoient, ou espèrent voir l'autre. Et j'imagine que le défi un peu là-dedans, c'est que l'intérêt de l'exercice, évidemment la curiosité de l'exercice, mais en même temps, le lecteur, justement, il reviendra pas par 3 fois si l'intérêt ne se trouve que dans l'exercice. Voilà. Non, c'est sûr. Il y a pas que l'intérêt. Il y a un intérêt. Graphiquement, c'est un bel album. Bézian est à son meilleur. La portion Mondrian, début du 20e, moderne, avec et des épisodes, les anecdotes de la vie de Mondrian. Exemple, cette fameuse robe qu'il avait faite à partir de ce tableau, le mobilier qu'il créait. Et de l'autre côté, la biographie de l'eau, ces moments où il met en graphique, il met en image ces mathématiques qui prennent forme, c'est fascinant. Vraiment fascinant. Moi, j'avais vu le bouquin que cet homme du 19e siècle avait imaginé. Et je connais rien en mathématiques, mais on a envie d'avoir le bouquin pour le regarder, pour voir qu'est-ce qu'il en avait fait. Alors, un bel objet qu'on peut découvrir, je rappelle, ça s'appelle Le Courant d'art. De Bézian, aux éditions Soleil. Voilà. Marco Duchesne, merci beaucoup. Un plaisir. À la prochaine. Salut. Salut bien. Voilà, donc Marco Duchesne qui était avec nous pour nous partager ces 3 titres, donc étaient Diabolik, Watertown et Le Courant d'art. Toujours à la vie en BD, dernière ligne droite en route vers 18h30. Je rappelle qu'on est le plaisir d'être avec vous depuis 17h30 à parler de bande dessinée de 9e art. Et il y a quelqu'un qui est avec nous qui, lui, aura le plaisir de vous en parler en long et en large mercredi prochain, le 9 mars, dans le cadre de la nouvelle rencontre des rendez-vous de la BD. Une rencontre qui est consacrée à l'univers des transfuges littéraires. Michel Giguère, donc, est avec nous. Bonjour. Je veux juste signaler à tout le monde que si vous entendez des drôles de bruits, ça risque d'être mon nez. Voilà, le rhume est à nos portes. Oui. Et Michel, en fait, je parle de transfuge. En fait, c'est des transpositions d'œuvres littéraires en BD. Et si je me trompe pas, c'est la 3e fois que tu passes au micro, que tu passes au rendez-vous à Gabriel Leroy pour en parler après la chanson « Les littératures de l'imaginaire ». Donc, on en est à une nouvelle étape de cette recherche sur cette thématique-là. Ben oui, j'ai l'air de manquer d'idées, alors que dans le fond, c'est juste parce que le terreau est tellement fertile, tellement riche. Mais cela dit, tu parlais de transfuge. C'est vrai que j'ai fait une soirée sur les transfuges, mais au sens d'écrivain, de romancier, qui tâte du scénario de BD. Cela dit, un des thèmes, c'était vraiment spécifiquement sur les littératures dites de l'imaginaire, fantastique, merveilleux, science-fiction. Or, j'ai eu le temps de parler à peu près de la moitié des choses qui étaient prévues, donc ça fera l'objet d'une autre soirée bientôt. Oui, en fait, quand on dit que tu lis beaucoup pour te préparer, c'est le cas, et à un moment donné, on se rend compte que finalement, ben, t'en aurais pour... Je fais le tri après coup, mais je les ai lus, puis je dois les relire après, parce que je me souviens plus de rien. Et justement, en fait, l'autre question, c'est le fait que s'il y en a pour 3, pour 4, pour 5 rencontres, c'est qu'il y a profusion. Qu'est-ce qui fait qu'il y a justement autant d'albums, autant d'adaptations? Écoute, c'est sûr que c'est mon analyse du phénomène, mais d'abord, deux motivations à la fois concomitantes et complémentaires. Premièrement, la volonté des éditeurs de poursuivre le processus de, disons, de légitimisation de la BD, qui est encore perçue par d'aucuns comme une discipline mineure. Et deuxièmement, leur désir aux éditeurs d'élargir, puis aux auteurs aussi dans le fond, là, d'élargir le lectorat, d'interpeller les littéraires, les lecteurs de romans. Et écoute, bref, là, c'est comme, dans le fond, pour résumer ça ainsi, c'est le rêve de produire un second Maus. Oui, puis ironiquement, en fait, Maus n'était pas l'adaptation d'un roman, mais un récit original. Et on s'en rappelle, en fait, il y a eu un succès retentissant qui a débordé largement du cadre de la BD, qui a, ne serait-ce qu'avec le prix Pulitzer. Donc, c'est effectivement un album qui a amorcé, si on peut dire, la longue marche de la légitimation du genre. Ben oui, exactement, parce que là, hey, ça a frappé l'imagination des gens. T'imagines un prix littéraire. Et pourtant, on a complètement oublié qu'en 1988 et en 93, les tomes 1 et 2 de Maus ont remporté le prix du meilleur album en langue étrangère à Angoulême. Mais ça, c'est moins important. C'est un festival de bande dessinée. En tout cas, tu vois, c'est une démonstration, parmi tant d'autres, de l'insatiable besoin de reconnaissance du 9e art, tant du côté des arts que du côté de la littérature, d'où la, je pense, la multitude de romans et de nouvelles qui sont transposés en BD. Puis, hey, moi, le premier, j'espère attirer à mes rencontres des non-lecteurs de BD, entre autres pour les convertir, mais il ne faut pas leur dire ouvertement. Et je pense qu'il y avait d'ailleurs Delcourt qui avait fait une collection Ex Libris, là, même carrément dans cet esprit-là. Oui, Gallimard aussi, qui est un éditeur généraliste, qui a lancé plus récemment une collection qui s'appelle Fétiche, avec Gatsby le Magnifique, Zazie dans le métro, Le Fantôme de l'Opéra, très diversifié, tu vois, puis aussi des contes comme Le Petit Prince, Peau d'âne, sans oublier un autre éditeur aussi, Petit à Petit, qui a publié des tonnes de contes, de chansons, puis de poèmes en BD. Et j'imagine en fait qu'il y a un côté aussi pécunier à la chose si on essaie d'extrapoler sur les raisons, dans la mesure où on se dit, ben ok, le roman il est déjà connu, le roman a déjà des lecteurs, la chanson c'est la même chose, donc on pourrait à travers ça attirer des lecteurs de romans, des amateurs de chansons, des amateurs de littérature. Et est-ce que ça peut être un peu le cas? Puis si oui, est-ce que ça fonctionne? Ben, le côté pécunier, il est là évidemment parce que des gens qui vendent les livres, les éditeurs, eh ben, oui, c'est du commerce. Et puis les gens qui en réalisent, ils veulent pas le faire pour leur tiroir. Mais je crois pas que personne le fait que pour ça. Mm-hmm. Ou alors très peu. Donc, il y a aussi cette espèce de souhait profond, véritable, d'élargir le lectorat et de faire réaliser à des gens, hey, vous pensez que vous aimez pas ça, la BD? C'est parce que vous aviez juste pas lu les bonnes. Lisez la mienne, vous allez voir, vous allez changer d'avis. Et, ton autre sous-question, est-ce que ça marche? Ça, c'est une méchante bonne question. En fait, pour le mesurer, il faudrait comme procéder à des sondages carrément. Demander, lisez-vous des romans? Lisez-vous des BD? Vous êtes-vous initié à la BD via les adaptations de romans? Ou est-ce que vous aviez cessé de lire la BD puis vous avez renoué par l'entremise d'adaptations de romans? Bon, écoute, vaste enquête, là, je crois pas que ça a été fait. Et puis, par ailleurs, c'est une chose d'attirer l'attention des littéraires, c'en est une autre, de conserver leur intérêt puis de les fidéliser en tant que lecteurs de BD après coup. Parce que quelle proportion, en fait, de non-lecteurs de BD ont lu Paul à Québec et en sont restés là? Il y a peut-être plein de monde qui ont lu que ça puis qui sont pas allés plus loin dans leur découverte de la BD. Et par ailleurs, on regarde depuis tantôt, là, on parle de Maus, Paul, ajoutons, mettons, Persepolis, Blast de Larsenet. Ben, il se trouve que c'est pas des adaptations de romans, mais ouais, ce sont des récits originaux, inédits. Et c'est ceux-là qui rallient les non-lecteurs de BD, souvent. Oui, puis à ça, on pourrait rajouter Alan Moore, je pense qu'il a remporté des prix Hugo aussi, des choses comme ça. Il y en a quand même quelques-uns. Puis j'imagine que d'autres, d'un autre côté, Michel Giguère, en fait, quand on considère, par exemple, une adaptation BD de La Recherche du Temps Perdu ou de Madame Bovary, bon, c'est des lecteurs, c'est des chefs-d'œuvre de la littérature. Est-ce que la personne qui adore le roman va tirer un grand plaisir à la lecture de leur transposition en BD ou va simplement tomber dans le jeu des comparaisons, comme on le ferait avec le film, au bout ouais du compte, là? C'est à se demander si, dans le fond, les adaptations de romans en BD sont pas plus aptes à intéresser les lecteurs de bande dessinée pas très versés dans la littérature, de façon à les initier, faire une passerelle de la bande dessinée vers la littérature, mm-hmm, plus que l'inverse peut-être. Parce que je trouve que oui, il y a de fortes chances que le littéraire qui trippe, qui a lu tout à La Recherche du Temps Perdu, je suis pas sûr qu'il va trouver son compte en lisant la version bande dessinée. À moins qu'il soit déjà un BD-phile. un Bédéphile qui apprécie le langage de la BD pour ce qu'il est, avec sa grammaire narrative, avec ses contraintes, son pouvoir d'évocation. Autrement, il risque d'avoir le même réflexe que les gens qui sortent du cinéma en répétant le sempiternel commentaire « Le roman était meilleur ». Alors qu'il faut faire la part des choses. C'est bien connu que le roman va plus en profondeur, qui est axé sur l'intériorité des personnages. Alors que la narration par l'image, c'est-à-dire le cinéma, la bande dessinée, elle est axée sur l'action. J'ajouterais aussi sur l'expressivité. Excuse-moi. Et là, t'es allé de deux exemples extrêmes. Deux œuvres qui ont fait entrer le roman dans la modernité, justement, en explorant, comme jamais avant, la psychologie des personnages. Et transposer ces textes-là, c'est tout un défi. Écoute, il faut avoir du génie pour en faire quelque chose d'intéressant. Dans c'est un autre ça doit être un bon défi, un sacré défi, comme tu dis. Ben oui. Et puis, moi, il se trouve que les adaptations du Temps perdu puis de Madame Bovary, que j'ai lues en BD, ben justement, c'était pas génial. Là. D'autant que le style, la beauté de l'écriture compte pour beaucoup dans l'intérêt de ces deux romans-là. Alors, on fait quoi? Soit on balance, on se débarrasse de la dimension littéraire, soit on alourdit notre BD en conservant une multitude d'extraits qui viennent alourdir les planches. Et dans les deux cas, je trouve qu'on est perdant. Alors, les adaptations les plus concluantes sont, à mon avis, c'est celles où le BDiste transpose vraiment. C'est-à-dire qu'il ose s'affranchir de la littérature pour restituer la force du récit avec les moyens propres à son médium, en l'occurrence la BD, dont on dit qu'elle est l'art de l'ellipse. Alors, il faut voir comment Chabouté, par exemple, s'approprie Moby Dick ou l'arsenait le rapport Brodeck. Avec très peu de textes, ils imposent une vraie vision d'auteur, là, et ça donne des œuvres qui sont visuellement puissantes, narrativement prenantes, mais finalement très peu littéraire. Oui, en fait, c'est que dans l'absolu, un peu comme on ferait une adaptation cinéma, finalement, l'idée, c'est pas de transposer, c'est d'adapter, justement. Donc, faut se permettre de se distancer du récit original et de l'exploiter comme une BD, de pas en faire un roman adapté en BD. Tu nous avais donné, d'ailleurs, même, ça me fait penser, Michel Giguère, au fil de tes passages à notre micro, tu nous as parlé d'autres adaptations. L'exemple, par exemple, de la Cité de verre de Mazzucchelli, qui, plutôt que d'escamoter la dimension psychologique, la restituait à travers des images symboliques. Donc, on osait justement aller chercher quelque chose pour réaliser pleinement ce transfert-là. Oui, ben puis exploiter l'intériorité psychologique des personnages. Mais là, oui, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'exception qui confirme la règle. Et puis là, on galvaudera pas le mot « génial » en qualifiant ainsi « cité de verre ». Mais non seulement Mazzucchelli, il s'applique dans cette BD-là à traduire l'intériorité en dessin, symbolique, comme tu dis, mais il faut ajouter à ça que l'écriture de Paul Auster, qui est d'une froideur un peu clinique, là, puis sans aucun effet de style, ben, elle se trouve également traduite par le style graphique, qui est dépouillé et sans effet. C'est vraiment une adaptation jusque dans le style. Et au demeurant, faut ajouter que le texte original équivaut à une longue nouvelle. Mm-hmm. Et la nouvelle est bien plus propice à l'adaptation en BD qu'une saga à développement. Écoute, j'ai lu 10 pages à peu près des Mystères d'Osiris d'après Christian Jacques, là. Ça me tombait des mains. C'était une suite de péripéties sans assises, sans que rien soit vraiment installé. Alors que des romans courts, comme Le vieil homme et la mère, ou Des souris et des hommes, ben ça se prête parfaitement à l'exercice. Oui, parce que ça reste 46 planches, une BD, traditionnellement. Donc, ouais, quoi que... À moins de tomber dans le roman graphique, où là, on a moins ouais, de mais là, formats. On déroge. Disons que le nombre de pages, moi, j'en ai vu tous les formats et toutes les longueurs. Mais, en plus, par ailleurs, par rapport au type d'écrivain dont je parlais, ils ont un style assez réservé, concis. Je pense à Steinbeck et Hemingway, mais aussi Paul Auster ou Camus. Eh ben, ça pose moins de problèmes à ce moment-là de raconter leur histoire en sacrifiant le texte et en gardant que le récit et en le transposant véritablement. Alors que dans le fond, c'est presque un sacrilège de sacrifier, mettons, la verve d'un Victor Hugo ou d'un Céline. Et bon, je pense aussi à Pagnol. Pagnol, c'est différent parce que il reste toujours la truculence des personnages puis des dialogues. Donc, il reste une richesse même si on garde pas son texte. Et tout ça, évidemment, va être mis de l'avant lors de la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD. Je rappelle, c'est mercredi le 9 mars à 19h. Pas de réservation nécessaire. On se présente tout simplement à la salle Gérard Martin, à la bibliothèque Gabriel Leroy. Et Michel, peut-être justement nous mettre en appétit. On a vraiment placé la scène, placé un espèce d'état des lieux. Maintenant, de quoi vas-tu, à travers quel paysage, quel univers graphique, quel titre vas-tu nous amener mercredi? Ben d'abord, pour vous donner le goût, je vais vous dire que j'espère ne plus avoir cette voix de canard-là. Et deuxièmement... Ça lui donne une chaleur. Une chaleur. J'en pleure des yeux. Alors, il va être question... On va se retrouver sur grand écran, là, en Provence. Il va être question de déracinement de gens qui quittent leur milieu ou leur pays. Il va être question de grands romans américains, de grands romans maritimes aussi. Il va être question d'enfance et d'adolescence, parfois rattrapés par la guerre. Et plus précisément, il va être question de l'obsession d'Acab, ça vous dit quelque chose? Les souvenirs de Claude Jasmin, l'absurde selon Camus, une délinquante qui est sauvée par le succès littéraire, ça c'est une véritable histoire. Et pour finir, comment une enquête policière peut dégénérer, mais vraiment dégénérer, en Afrique subsaharienne. Donc une variété de paysages, une variété de traits comme à l'habitude. Oui, vraiment, ça va dans toutes sortes de directions, avec une seule constante, il va toujours s'agir de transpositions, de romans ou de nouvelles en bande dessinée. Et tu mets l'emphase surtout sur la manière de, sur les succès, les insuccès, sur ce qui t'a accroché, les tentatives. C'est comme si la conversation qu'on a eue là était nourrie par mains exemples projetés. Mm-hmm. Et par ailleurs, moi, je suis un médiateur qui, en théorie, fait le pont entre les créateurs et le public. Alors, il y a quelques exemples que j'hésiterais pas de dire que ça, j'ai pas trouvé ça transcendant, parce que ça vient nourrir la réflexion. Il faut quand même garder un esprit critique. Mais c'est absolument pas mon but, et j'aime bien mieux penser que je fais des suggestions de lecture, puis que je vais donner envie aux gens de lire toutes ces choses-là. Mais par ailleurs, j'ai bon espoir de voir dans la salle quelques nouveaux visages de gens qui se sont laissés tenter par le thème du fait que ça parle de la littérature puis qui sont moins versés un peu dans la BD. Et on l'espère. Donc, profiter de ce voyage et de ces suggestions, de ces inspirations. Je le rappelle, donc, mercredi 9 mars, 19h. C'est de la prose à la case, roman transposé en BD. Michel Giguère, merci. Hey, à la prochaine. À mercredi. Oui. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, avec nous, Éléonore Goldberg et Dominique Parenteau-Leboeuf pour La Demoiselle en blanc, Jean Marquis pour Pierre et La Pierre et plus. C'était Raymond Poirier au micro. C'est un plaisir d'être avec vous. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.